des amis comme mon père c'est clair. J'avais la tête ailleurs et puis le cœur distrait. On se parlait de tout mais soudain de plus rien. Il était temps je crois qu'on sépare nos chemins. J'ai perdu des amis comme mon père le moral. C'était le plus précieux, sûrement le plus vital. Je voulais les garder jusqu'au jour de ma mort. Mais les verres à sonner, le temps reste encore. J'ai perdu. Des amis comme on perd la mémoire de tout ce qui faisait le ciel de notre histoire. Des souvenirs si beaux qu'ils oublient bien trop vite. Un simple coup d'éponge pour passer à la suite. J'ai perdu des amis comme on perd son sang-froid. Comme on perd l'illusion, la raison et sa foi. Une amitié sincère qui n'était finalement pour aucune parenthèse.